Le fleuve, le fleuve. Ma clé, ma clé. T'es sur ta gueule, chier. Ok. J'ai pas de fleuve. Sauf de textile, moi. Caractéristique et des styles, le pistil de l'industrie des disques, car elle m'associe pas. Elle se démunit une âme, la société qui termine la vie. Pour mon ami, c'est comme si t'étais synonyme d'anonymat. Sera valide, ta bobine, c'est rebobine. Voici le prototype du type qui dit dans la syllabe. Ping ping dans ma zik, quand t'es bling bling, t'es la victime. Ma vie s'est passée ici sur un fil harmonique d'harmonica. J'coupe dans la night, c'est ma life, man. Où la plupart sont les mains dans les mailles, ou bien dans les marmailles. Nous loin dans le nom, dans le moral. Sonner l'alarme, l'alarme à l'œil, le sable de l'or et l'alarme dans le norac. J'parle violemment mal, une mise à la mode normale. Vu la mode, y'en a marre, des rats sont en mode mal. Main, dans la même mer. Demain je te ramène le même verre et tu resteras parallèle à la normale. Nightmare mixtape. Shoot again. Oh la la la la la la la. Yeah, shoot again. Okay, okay, yeah. Pour un rap, la rahma, l'état méprise-moi et méprise, grise comme moi. Rétine humble, je maîtrise ce flow pornographique. Des frères musulmans, j'étais un gibier de potence, appelle-moi. T'es bizarre, coup de mer, génération Rambo, Stallone, Predator, Commando, Arnold, j'crime grâce, Playboy, Dressman, Triste V, Rappé, Dena, Street, Crimpé, Clip, Pop, Striptease, 06, Entreprise V, Pages, Grévis, Springsteen, No The Pages. Immigré, j'aime si hybride. On la rime, on te la parle à carabine. On a l'armée romée, on la vit. On te la mine aussi. On te la met au pardon si ma mine écrit l'hostile. Les brunes dissipent lentement. Un grappin éteint, les joues mal rasées. Shoot ta gun et j'rentre dans le coin errant. Moi, mon choix négro, ici, par moi ici. T'as vu au moins du style. On te verrait au loin, putain. On nous a pervertis dans le haram. Clip, pub, QC, 06, peu mange réel. Parisien, rêve du Hardcore. La pression est la même, mec, que des détritus de merde. Les rats tirent drève. Oui, tu la gagnes, le coffre fort est plein, mec. Shoot again. Salgo de la pénombre, me guio con la luz de un faro. Tu comprends, suena tombe caro. Algo di paro, no paro, se le de mi caro. Desa gattata, trapone el barro. Tassi con passi, capaz de matar parasito raro. Ras legendario, una barca me espera pa' cruzar un río de calavera. Y afuera se fieras, fuerzas maléficas. En el terreno trueno, vibraciones eléctricas. En una cueva está Satanás seduciendo un alma más. Este lugar es Alcatraz. Sin salida avanza, sin hay vuelta para atrás. Con odio domina el demonio. Tiene yo hilada en el lodo. Una manada de lobo que manda de polo a polo a su modo. Existe solo una salida de escape. No podrán servirte de combate. Intenta impedir que te atrape. El sol ya no sale, vale. Tengo una baba que no lava ningún ala, ¿sabes? Águila emprende su ala, enciende una bengala. 100 velocidad, una bala, apunta tu talla. Se clava bien en tu sien y nunca falla. Illicit, illicit, illicit. A flev, a flev. Mixtape, 9-2. Jusqu'au 06, 06 jusqu'au 9-2. Illicit, comme cette top, mon pote. Yeah.